Digga, digga. DJ K.A. Ok. De face en face. B. Je cours. Je te le dis, de vous à moi, je n'ai jamais fait de texte hardcore. J'ai toujours juste essayé de faire sonner quelques accords. Je ne suis pas une star, je le reconnais. J'ai même souvent peur, mon corps est ici, mais mes idées sont de tu calcore. Mon angle sans un stylo, mes idées ne me sont pas apportées. Mes idées seront comme les juifs déportés. Et je n'en ai jamais écrit une sur déportés. Et je vise le ciel et même Nas le sait. Que mon but n'est pas d'écrire un seul 16, ni même 16, ni même 18, ni 20. Je viserai plus haut, comme me l'a dit l'être divin. Je continuerai ma route jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Dédicace à la fouine et à Lil Wayne. Et même si ma carrière doit s'arrêter dans quelques minutes, je finirai ce texte, peu importe ce que tu insinues. La route est longue et je peux l'affirmer. Je ne l'ai pas commencé. Et si tout s'arrête d'un instant à l'autre, ben au moins je n'aurais pas renoncé. Et si tu veux barrer la route, je continuerai jusqu'à ce que ma feuille soit déchirée. Ce que ma feuille soit déchirée. Okay. Je ferai pas genre les DJ et leur wiki wiki. La semaine est finie, donc je me barre en wiki weekend. On vient de commencer, donc y'aura pas de this is the end. On est au sol, mais on vise toujours le si ici end. Et si je suis inconnu, c'est que je débute ma carrière en destin. Fais un dièse en ta gueule depuis que j'écris ta carrière. En parenthèse, on va galérer pour arriver dans le disque. Car on n'a pas de lien parenté pour arriver au sommet. On va devoir se réunir dans une assemblée. Et tes sons n'existent plus, sont hologrammés comme dans Virtual DJ. Je t'apprends les bases, appelle-moi T. Appelle-moi teacher. Je fais un détour en anglais. Car tu sais que j'effonce tout en tactile. Ne mesure pas ton succès. Importe ta tactile, faut que tu t'actives. Kids au mic prend de l'avance. On te la fait sans tactique. Maintenant tu l'as dans la France. La route est longue et je peux l'affirmer. Je ne l'ai pas commencé. Et si tout s'arrête d'un instant à l'autre, moi je n'ai pas renoncé. Et si tu veux me barrer la route, je continuerai jusqu'à ce que ma feuille soit déchirée. Jusqu'à ce que ma feuille soit déchirée. Yeah. La route est longue et je peux l'affirmer. Je ne l'ai même pas commencé. Et si tout s'arrête d'un instant à l'autre, au moins je n'aurais pas renoncé. Et si tu veux me barrer la route, je continuerai jusqu'à ce que ma feuille soit déchirée. Je suis déchiré. Kids on mic. De phase en phase. B, D, K, S, S. Je cours. Yeah.